toutes les sciences sociales en Allemagne ont contribué à cette autorégulation régulée. La sociologie, le droit, mais encore tout ce qu'on peut, la psychologie, et on pourrait, entre l'économie, bien entendu, y compris l'économie historique, et toutes les autres sciences sociales. Et il y a une comparaison, là, pour le coup, avec les sciences sociales en France et le fait qu'elles n'ont pas joué, dans l'état actuel de la recherche, autant de rôles que n'en avaient joué les sciences sociales dans la construction allemande. Pour autant, ça n'est pas un livre qui masque ce qui n'est pas dans le champ de la convention collective. C'est-à-dire que le livre explique, et notamment dans la conclusion, qu'il y a des pans entiers du monde du travail en Allemagne, des pans entiers en France, qui ne sont pas du tout le domaine de la négociation et de la négociation régulière. Mais c'est le travail des historiens, des juristes, des sociologues, des économistes, d'aller chercher ce qui change. Ce qui change, et ce qui change, c'est, on le voit assez, la définition par en bas, par aussi les sciences sociales, par aussi des politiques et des fonctionnaires, d'un état social. Et qui dit état social dit forcément une des bases si précaires et si fragiles de la manière dont nous pouvons regarder aujourd'hui l'état social en Europe ou la question de savoir s'il y a une Europe sociale avec toutes les questions que l'on peut imaginer. Et le dernier élément que je voulais évoquer dans nos réflexions, et une fois que Bénédicte a trouvé ce titre, une histoire croisée de la fabrique du droit du travail, c'est ce que nous voulions faire avec vous, ou plus exactement, ce que nous espérons que vous fassiez et à quoi nous vous aidions. D'abord, un rassemblement de toutes les disciplines intéressées à ce sujet, c'est-à-dire, encore une fois, le droit, la sociologie, l'histoire, l'économie, et on pourrait en nommer d'autres, par exemple, la gestion. Deuxièmement, nous avons souhaité qu'il y ait autour de présentations qui soient sur l'œuvre, qui soient destinées à faire vivre le livre, qu'il y ait toutes les générations possibles de chercheurs. Parce que ça nous paraissait aussi le moyen d'assurer le relais de ce livre. Et ce que nous avons souhaité enfin, mais ce n'était pas du tout dans nos têtes au tout début, c'était une présentation francophone. Alors, ça nous a amené à annexer Jakob Fogel, annexer la moitié de Michael Werner, mais au fond, nous avons cherché un espace de travail, et cet espace de travail supposait un lieu international. Et s'il est vrai que nous avons bénéficié du soutien sans faille de trois laboratoires de l'École des hautes études en sciences sociales, le Centre Maurice Alvax, et il me semble me souvenir, mais on me dira si je me trompe, que Maurice Alvax lui-même était allé faire plus qu'un tour en Allemagne avant 1914, dans sa tendre jeunesse. Le centre Georg Simmel et le centre de recherche historique, nous avons pensé que ce lieu international, ça pouvait être l'Institut d'études avancées de Paris, dans ce cadre du XVIIe siècle, que pour ma part je découvre pour la première fois. Et c'est Claude Didry qui a déposé le dossier en notre nom à tous, et qui a obtenu l'accord de l'Institut d'études avancées, et de même que j'ai remercié les trois labos organisateurs, de même j'ai à remercier l'Institut d'études avancées pour l'hospitalité, l'accueil qu'il nous accorde dans ces locaux magnifiques. Avant de céder la parole, comme vous le savez, sur le programme à Bénédicte Zimmermann, je voudrais parler de quelques absences. Il y a celle d'Alain Supiot, que nous avions invité et qui, aujourd'hui, illustre une conception de l'histoire internationale du droit du travail qui est, on peut le dire, pleinement en accord avec le travail de Sabine. Alain Supiot est aujourd'hui en Afrique parce qu'il est dans cet énorme travail qu'a entrepris l'Organisation internationale du travail pour redéfinir des bases de ce que pourrait être un droit du travail international, ce qui doit donner lieu, si les gouvernements et les interlocuteurs sociaux en sont d'accord, à une déclaration pour les 100 ans de l'Organisation internationale du travail. Il y a aussi Inner Bones de la Maison des sciences de l'homme et du Centre de recherche historique qui a été très associé au soutien aux franco-allemands et qui a publié ce numéro de Trivium que j'ai signalé tout à l'heure, mais des problèmes de santé temporaire ont fait qu'il est absent. Et puis, il y a deux autres absences dont je voulais parler et qui sont très honnêtement de ma faute. Je n'ai pas pensé à inviter Marie-Laure Morin, ancienne directrice de recherche au CNRS, ancienne membre de la Cour de cassation à la Chambre sociale et qui, par sa thèse sur le droit à la négociation collective, a été une des premières chez les juristes français à regarder la société d'études législatives et toute une partie du champ qui est traité dans ce livre. Et l'autre regret que j'ai, et qui est de mon fait aussi, je n'ai pas pensé à inviter Alain Cottreau, qui est si abondamment cité dans le livre, qui a été, du côté français, une des premières personnes qui ont balisé le champ, même si même les travaux d'Alain Cottreau ont été revus, au besoin critiqués, par le livre. Et la dernière absence, évidemment, c'est celle de Sabine. Alors, moi, je pense, rencontrer la première fois à Merseburg en 1993, lorsque Hartmut Kelble, Heinz Gerhard Haupt, Yves Lequin et moi, dans la série des tables rondes franco-allemandes, il y en a eu de 1986 à 2011, nous avions organisé la première table ronde dans l'est de l'Allemagne. Et il y avait là deux jeunes femmes que je n'arrivais absolument pas à distinguer, qui étaient Bénédicte Zimmermann et Sabine Rudischhauser. C'est comme ça que j'ai rencontré Sabine, et c'était déjà une histoire croisée. Je donne donc la parole à mon tour, sous la responsabilité de Pascal Laborier, qui est au milieu entre nous. Je donne donc la parole à Bénédicte pour parler de sa